quand les belles filles posent la cible, je reste imperturbable et serein. De la majorette plantureuse à la poitrine généreuse, au mannequin anorexique au postérieur inexistant, ma vision en deux dimensions reste glacée sur le papier. Quand les belles filles posent la cible. Les belles filles posent la cive, je reste imperturbable et serein. De la majorette plantureuse à la poitrine généreuse, au mannequin anorexique au postérieur inexistant, ma vision en deux dimensions reste glacée sur le...